Puis en passant, pour le prix que ça coûte, ici c'est pas cher, là, parce que la majorité des gens qui sont dans le besoin, le coût de la garderie là augmentera pas beaucoup. Là. Faudrait peut-être faire passer le message aussi qu'il y a des gens qui ont de la misère à arriver dans la vie, mais sont rendus avec 3-4 enfants. Tu sais, quand t'as de la misère à en faire vivre un. Il n'y a pas juste ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça pose aussi une problématique ceux qui en ont. Je lis le début du texte de Lise Ravary aujourd'hui. Que doit-on penser d'une société dont les papas et des mamans descendent dans la rue, comme des milliers l'ont fait à Montréal, réclamant de payer le moins cher possible pour que des étrangers qu'ils veulent aimer et qualifier s'occupent de leurs enfants en bas âge? Il y a ça aussi là-dedans. Là. Mmh. Mais, tu sais, quand tu n'es pas capable de prendre soin de toi, normalement, tu devrais pas avoir à faire des enfants, tu sais. Quand t'es rendu à 3 enfants pis t'es vraiment dans le seuil de la pauvreté, ça te tente pas de t'acheter des capotes à un moment donné pour pas te remettre un peu plus dans la merde. T'sais, pis quand ça va bien aller, là, quand tu vas réussir à te sortir de cette période-là, ben après ça, tu prendras le temps d'en faire des enfants. C'est qu'à un moment donné, on dirait qu'il y a des gens qui foutent absolument rien de leur vie, puis tout ce qu'ils font, c'est des enfants. J'ai rien contre le fait de faire des enfants. Regarde, je leur lève mon chapeau. Mais des fois, il y a des gens qui ont des enfants juste parce que ça leur tente pas d'aller travailler, juste parce que ça leur tente pas de se lever le matin. Ils veulent rester avec leurs enfants, puis ils mettent des DVD une fois de temps en temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont des enfants qui en méritent pas nécessairement, là. Puis entre vous puis moi, un enfant, vous savez que c'est une grande responsabilité. Si vous n'avez deux puis que vous trouvez que c'est assez, allez pas en faire un troisième. Parce qu'après ça, vous allez dire, ben là, on n'a pas d'argent, puis on peut pas l'envoyer à l'école, puis là, on peut pas faire ci. À moins que ce soit une période difficile, je peux comprendre. Mais sinon, arrêtez d'en faire si vous n'êtes pas capable d'en prendre soin. Changement de sujet. Parfait, notre prochain invité...